分词。 Chômeur, chômeurette, chômerim, chômerotte. Annie chômeur, Annie chômeurette, Atta chômeur, At chômeurette, Hou chômeur, Hi chômeurette. Anachnu shomrim. Anachnu shomrot. Atem shomrim. Aten shomrot. Hem shomrim. Hen shomrot.